Chapitre 13 La forêt du Mans. Un coin de bois perdu dans la forêt du Mans. Des arbustes épars alentour d'un vieux chêne, si touffu que la nuit semble toujours prochaine. La chouette l'emplit de ses ululements. C'est là que, sans scrupule, ayant juré sa perte, les poches tintant claires de l'or qu'ils ont reçu, valet du noir complot que Margiste a conçu, trois sergents rengagés traînent la pauvre Berthe. Dieu même en sa faveur ne s'est point déclaré, pour d'autres criminels réservant son tonnerre, et voici qu'à présent Berthe la débonnaire va périr sans absoute et sans miséricorde. Déjà les trois sergents ont tiré leur épée. Berthe attend d'un cœur ferme et d'un corps anxieux, et pour ne pas se voir mourir, ferme les yeux. Mourir, oh, n'être plus qu'une tête coupée, s'en aller d'ici-bas sans avoir eu sa part. Faudra-t-il croire, enfin, ce qu'ont dit les sceptiques, que le vrai Dieu n'est pas le bon Dieu des cantiques, et qu'il est trop partout pour être quelque part. Mais dans l'instant précis que Berthe désespère, sur un nuage d'or au céleste reflet, et ce nuage c'est sa barbe s'il vous plaît, vint à passer par là, brave homme, Dieu le Père. Son clair regard qui met en fuite les péchés se pose doucement sur ces hommes de crime, et tous trois, au moment de frapper leur victime, par un trouble inconnu se sentent empêchés. « À quoi bon nous charger d'un meurtre? Pourquoi faire ?» dit l'un d'eux. « Reprenons, frère, notre chemin. Nous soutiendrons qu'elle a péri de notre main, et les bêtes du bois en feront leur affaire. » Sitôt dit, sitôt fait, ils s'éloignent. Leurs pas traînent sinistrement sur les feuilles durcies, et bientôt la nuit tombe aux branches obscurcies. Berthe est seule et voudrait crier et n'ose pas.